Nouvelle, évidemment, il y a deux segments dans l'année où il y a des livres, où il y a des lancements de livres. Il y a l'automne pour le Salon du livre de Montréal et il y a le printemps également, qu'on voit quelques bouquins sortir. Et il y en a un, c'est pas son premier livre d'ailleurs qui sort sur l'histoire du Canadien, c'est Léandre Normand qui sort un livre sur la carrière de l'un des plus grands entraîneurs de l'histoire du Canadien, Tau Blake. Et question un peu de savoir, c'est aux éditions de l'Homme, question un peu de savoir. Qu'est-ce qui l'a motivé à faire ce livre? On lui parle. Bon, on parle à Léandre Dormant. Bonjour Léandre. Bonjour. Léandre, qu'est-ce qui vous a motivé à faire ce livre sur la carrière de Tau Blake? Bon, d'abord, tu me permettras de te préciser, en tout cas à mon opinion, à moi, que ce n'est pas l'un des plus grands entraîneurs de l'histoire du Canadien, mais le plus grand entraîneur de l'histoire du Canadien. Alors, ce qui m'a motivé, c'est un peu parce que je trouvais que Tau Blake, dont le souvenir se passe un peu dans la mémoire des gens et dans l'oubli pour ce qui est des plus jeunes. Alors, je trouve qu'on cause une grande injustice envers cet homme qui a eu une double carrière et comme joueur extraordinaire et comme entraîneur du Canadien. Alors, il n'est pas son numéro et son nom ne sont pas retirés par le Canadien. Il était... Non, absolument. Moi, je trouve que c'est une grande injustice, d'ailleurs. Comme Georges Vézina. Il a été... Un peu exact. Même affaire pour Georges Vézina. Exactement la même chose. À tout le moins, comme joueur. Et en plus, Blake, comme entraîneur, non plus n'a pas été reconnu. On trouve à peine son nom dans ce qu'appelle le sac. La couronne qui je vais me faire l'avocat du diable, puis je vais être un peu méchant, M. Normand. Est-ce qu'il s'appellerait Marc Simard? Est-ce que son nom serait plus reconnu? Vous me voyez venir un peu parce que c'est un anglais. Pas, c'est oublié que c'est un anglophone. Est-ce que ça a un lien? Je te corrige tout de suite. Oblique n'est pas un anglophone. Sa mère est francophone, exclusivement francophone. Ah, okay. Elle était exclusivement francophone. Et Tau Blake s'exprimait aussi bien en français qu'en anglais. Alors, ça n'a aucune connotation raciale, cette affaire-là. Je sais pas, c'est une négligence, un oubli. C'est probablement pas de la mauvaise volonté, mais je trouve ça excessivement dommage qu'il ne soit pas reconnu. Écoute, Tau Blake, la punchline, tout le monde se souvient au moins de ça, ouais. Même les plus jeunes. Avec Maurice Richard et Merlac. Alors, Tau Blake, c'était un peu même si c'est un illégal, c'était un peu le pivot de ce trio-là. Évidemment, le punchline qui a battu à peu près tous les records et qui a produit, qui a donné deux Coupes Stanley aux Canadiens. Tau Blake a continué par la suite comme entraîneur. Mais, donc, c'est un grand joueur. C'est un des grands joueurs. Comme Vézina, qui est un bel exemple, effectivement, dont le nom, le souvenir se perd un peu. C'est dommage. Et en plus, après, ses exploits comme entraîneur sont à nul autre pareil. Mm-hmm. Écoute, il a 11 Coupes Stanley à son total, à son crédit, ce qui est l'équivalent d'Henri Richard, comme joueur, mais Tau Blake à la fois comme entraîneur et comme joueur. OK. Alors, c'est un peu ce qui m'a motivé. OK. Ça a-t-il été compliqué de faire des recherches? Parce que, il y a de plus en plus de gens qui sont décédés de l'époque de Tau Blake, de l'époque d'Émile Bouchard, de l'époque d'autres noms. C'est dur de faire des témoignages, mais est-ce que c'est compliqué de faire des recherches au niveau de, je sais pas, de la bibliothèque et ainsi de suite? Il faut dire que j'ai eu la chance de compter sur un excellent recherchiste qui est Vincent Couture. Évidemment, notre base, ce sont toujours les journaux surtout. Et il y a quand même plusieurs journalistes qui ont côtoyé Tau Blake à la fin de sa carrière ou qui l'ont connu comme entraîneur, moins comme joueur. Ça nous a été d'un très grand secours. Évidemment, on n'a pas pu compter sur la famille parce qu'il ne reste qu'un de ses fils encore vivant. Et puis, les gens de son époque sont pour la plupart disparus, malheureusement. Alors ça a été une difficulté, mais au niveau des recherches, au niveau des sociétés d'histoire, au niveau des journaux, comme je mentionnais, ça a contribué beaucoup. Et c'est pour ça que notre recherche est très complète et ce qui nous permet d'avoir un livre qui est très différent de celui qui a été publié en anglais il y a une couple d'années. Hey, c'était quoi la force de Toblé comme entraîneur? Sa proximité avec ses joueurs. OK. Toblé, que, et c'est pas le titre qu'on a emprunté à une déclaration de Jean Béliveau, l'eau sur cœur tendre, ça pique très, très, très bien avec lui. Toblé, évidemment, il était dur avec ses joueurs, mais il les défendait bec et ongle lorsque quelqu'un, que ce soit un journaliste, que ce soit un simple amateur, s'en prenait à un de ses joueurs, à tel point qu'il a déjà reproché à ses dirigeants de s'en prendre à un de ses gardiens. À l'occurrence, je crois que c'est Charlie Hodges. Lui, il avait prévenu que c'était terminé avec le Canadien, mais lorsque c'est mis aux oreilles des dirigeants, puis qu'on lui a dit, hey, t'as oublié que, OK, tu vas enlever Charlie, et là, t'as oublié que c'est rebiffé, et il s'est fait le défenseur à tout craint du joueur en question pour le garder dans l'équipe. Alors, ça, c'est un exemple. Et il y en a d'autres comme ça. Et comme joueur, ben, c'est fait, lui est arrivé en 36, la première année. Ça a été quand même assez difficile, la première année de. Parce que 36, c'est là qu'Howie Morin, c'est l'année qu'Howie Morin s'est décédé. Donc, absolument. Ça n'a pas été nécessairement, comme joueur, ça n'a pas été facile. Comme vous l'avez mentionné en début d'entrevue, c'est avec la punching line qui, lui, s'est rendu célèbre. Ben, la prochaine qui a été formée avec l'arrivée de Maurice Richard, c'est là que Dick Owen a eu une idée de génie de le réunir avec les deux avec Lac, et ça s'est formé ce trio qui a fait tempête dans la Ligue nationale, qui a battu à peu près tous les records possibles à l'époque. C'est sûr, et c'est assez curieux parce que le Canadien a pratiquement volé Toblé au Maroons. Parce que les Maroons, avec qui il s'était aligné pendant une saison, pour le cacher un peu à la convoitise des autres équipes, l'avaient envoyé à Providence, où il a surtout joué. Et puis bon, le Canadien, qui suivait depuis un bon bout de temps, est allé le chercher là et a le volé, dans le sens qu'il a conclu une transaction relativement facile pour l'emmener à Montréal, où il est devenu effectivement son joueur d'importance. OK. On a parlé en début d'entrevue de l'importance que Georges Vézina n'a pas été reconnu vraiment. Est-ce que c'est probablement plus un oubli ou encore le fait que c'est la première génération des grandes vedettes où beaucoup sont décédés? Ça doit expliquer ça un peu, là. Pourquoi que c'est des oublis? En fait, oui, c'est que évidemment, c'est peut-être un peu avec l'arrivée de Jeff Molson que le Canadien a décidé de reconnaître ses joueurs, et avant c'était pas une priorité dans le joueur du Canadien, parce que si on remarque qu'il y a eu une grande période où il n'y a aucun numéro des joueurs du Canadien qui ont été retirés, ça s'est accentué avec les cérémonies ou les activités du centenaire, et donc je dirais que c'est peut-être une négligence. Je crois pas que ce soit de mauvaise volonté. Non. Mais on s'est rendu compte que l'histoire, ça comptait pour beaucoup d'amateurs et que c'était important pour perpétuer le souvenir de l'équipe. Normalement, c'est pas le premier livre que vous faites sur l'histoire du Canadien. C'est quoi, votre cinquième ou sixième que j'ai vu passer de mémoire? C'est moi. C'est que je connais. C'est mon sixième. Très juste, c'est mon sixième. Mon douzième au total. Ouais. Est-ce qu'un livre sur Howie Morin serait possible? Parce que Howie Morin, on dit que, selon certains, que c'était aussi fort que le Rocket, là. Très juste. Howie Morin, ça a été un joueur extraordinaire dans l'histoire du Canadien, notamment à la période des années 30. Évidemment, pour tout auteur qui existe, l'idée, c'est de convaincre un éditeur d'aller. Tu sais, parce que les éditeurs sont, évidemment, ils essaient d'attirer aussi une clientèle plus jeune, sans négliger les gens dans le mur. Mais donc, comme les histoires se perdent un peu, ils sont un peu réticents à publier des histoires sur les anciennes vedettes comme ça. Ben, Monsieur Normand, c'est aux Mais il éditions. s'agit du coup. C'est aux éditions de l'Homme, c'est en vente. Je pense que c'est pas encore. C'est aujourd'hui que ça s'est lancé. Aujourd'hui, C'était aujourd'hui que ça s'est lancé. Oui, aujourd'hui, ça fait une couple de jours que j'ai reçu le livre d'ailleurs. Donc c'est aujourd'hui. Normalement, ça devrait être en région, c'est un petit peu plus tard. Ça devrait arriver en fin de la semaine ou début de la semaine prochaine. C'est à la librairie centrale du secteur de Dolbeau. Vous pouvez vous le procurer. Monsieur Normand, je vais vous souhaiter évidemment, bonne chance pour le lancement du livre. Vous allez certainement avoir plusieurs entrevues à faire. Au plaisir de se reparler un autre tantôt. Merci infiniment. Effectivement, le livre est, en tout cas dans certaines régions, Plus disponible un il est peu. disponible à partir d'aujourd'hui. Ouais. Mais oui, effectivement, écoute, ça a été un livre que j'ai réalisé dans des circonstances un peu difficiles, personnellement, mais j'ai eu beaucoup de plaisir à me rappeler le souvenir de cet homme-là que j'ai connu sur la fin de sa Ah, OK. carrière comme entraîneur, alors que j'étais encore très, très, très jeune adolescent. OK. Ben, Monsieur Normand, ben, félicitations, bravo pour le plaisir de se parler de tantôt. Merci infiniment et salutations aux gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Voilà, donc Léandre Normand, qui est l'auteur de la biographie de l'histoire de Taublé, qui sort aujourd'hui en librairie.